Bonjour, direct du samedi 9 juillet 2022. Je vais attendre que les gens arrivent un petit peu. Le samedi matin, j'ai souvent un petit peu moins de monde. C'est normal. Les gens ont été conditionnés à, vous savez, l'affaire là, de la fin de semaine. Ce que les Français, les barbares appellent le week-end, ben, on a été conditionnés à fêter le vendredi, puis à s'étourdir, puis le samedi matin, les gens. Bon. Bonjour, Todd. Donc, bonjour, Marie-Jeanne. Bon, ça, les gens arrivent vite. C'est quoi ça? On dirait un petit bonhomme carotte. Bonjour, Lindus. Bon. Je vais attendre un peu voir ce que les gens disent. Les enfants sont pas levés. J'ai un peu de temps. Ah bon? Ah oui, c'est surprenant. Quand j'étais enfant, le samedi matin, j'étais toujours levé avec mes parents. Habituellement, les enfants se délèvent tôt souvent. C'est surprenant qu'ils dorment. Ben oui, souvent je me levais de bonne heure, puis... J'allumais la télévision. C'est un réflexe d'enfant de ces années-là, du temps. Puis on dirait que c'est plus comme ça. C'est peut-être pas mauvais. Dans le fond, il vaut mieux peut-être récupérer les enfants, surtout si... En tout cas, ben, coudonc, ils se couchent tard, vos enfants. Marie-Jeanne. Donc, vous avez vu Shinzo Abe qui s'est fait abattre en pleine rue. En tout cas, 2 heures de décalage horaire avec le Québec. Je suis resté à l'heure du Québec. Ah bon. Ouais, j'ai connu des gens qui étaient allés vivre en Europe et ils avaient beaucoup de difficultés à se sortir des heures du Québec. Donc, des fois, j'étais sur Skype avec des gens, puis ils étaient vraiment. C'était pas. En tout cas. Probablement que je l'ai. Je les empêchais d'aller se coucher à une heure normale, mais bon. Ben oui, Shinzo Abe. C'est étrange ça. Shinzo Abe qui a toujours essayé de faire croire parce qu'il voulait l'électorat des nationalistes au Japon. Bonjour Mathilde. Et il a toujours fait croire qu'il voulait justement changer la constitution qui a été imposée par les Américains après la défaite du Japon. Donc, finalement, il y avait une certaine hypocrisie chez cet homme-là. Moi, je l'ai tout le temps considéré comme un pion des Américains. Puis, il semblerait, il y a beaucoup de gens au Japon qui ne l'aimaient pas, surtout les nationalistes japonais qui voudraient voir les Américains quitter le sol. Il y a énormément de bases américaines au Japon. Et si on regarde ça, ils se sont toujours servis de la peur par rapport à la Corée du Nord, la Chine, pour justifier l'occupation du Japon par les Américains. C'est vraiment de la manipulation. Donc, Shinzo Abe, moi, je l'ai tout le temps considéré comme un faux cul. Je l'ai tout le temps considéré comme un hypocrite, puis un pion de l'OTAN, puis des Américains. Bonjour, Lucie, bon matin. Donc, il y a quelqu'un qui s'est tanné, puis bon. Mais là, c'est parce que c'est des sociétés qui créent des monstres, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si jamais un jour il arrive quelque chose à Joe Biden, par exemple, nous pourrons considérer que c'est conséquent, que c'est sa politique qui crée ça. C'est pareil pour Shinzo Abe. Bonjour, Marie. Donc, par rapport aux motivations de ce jeune homme-là, là, que je considère comme un jeune homme, là, qui a à peine 40 quelques années, 41 ans, je pense. Chez vous, il est 9h environ? Oui, 9h11. Donc, si on observe ça, bon, j'ai perdu le fil. Je pense que possiblement que c'était mêlé un petit peu dans sa tête. Il dit qu'il considérait Shinzo Abe comme faisant partie d'une organisation. Donc, de quoi il est question? Si on regarde le contexte japonais, est-ce qu'il considérait Shinzo Abe comme un pantin de la Soka Gakkai, par exemple, qui est une secte très, très puissante, qui est affiliée à toutes sortes de choses au niveau politique. Je ne suis pas sûr. Mais Shinzo Abe allait faire y aller au Forum économique mondial, puis il suivait tout le temps l'Occident, puis le Japon menacé par la Corée du Nord, par la Chine, a besoin des Américains. C'était un peu ça. Puis, quelque part, il n'était pas tout seul, possiblement, ce jeune homme-là, sauf que lui, il est passé à l'acte. Aussi, on parle d'un jeune homme sans emploi qui avait fait partie des forces armées d'autodéfense. Forces armées d'autodéfense qui n'existent que par la Constitution imposée par les Américains. Donc, il y a beaucoup de Japonais qui... Je voulais demander si c'est possible d'expliquer un peu le monde moronciel et ajuster de pensée. Merci d'avance. Oh, ça c'est un petit peu... C'est tellement dans un autre registre que ce que je voulais parler. Mais, puis même, ça tombe peut-être au-delà de mes compétences, là, ce que vous me demandez. L'ajusteur de pensée, ça, c'est moins complexe, là. L'être humain a des structures prépersonnelles qui vont ajuster sa pensée, justement, parce que sinon, ça serait comme une radio qui n'est pas capable de se brancher sur un poste et il n'y aura pas de cohérence. Donc, si on le regarde comme ça, puis qu'on considère qu'il y a une entitisation de ces phénomènes prépersonnels-là par les gens, là, ça devient peut-être plus clair. C'est quoi l'ajusteur de pensée? Comment vois-tu la destruction des Greystoners? Bon, je trouve ça banal. Bien, franchement, les enfants se lèvent, je dois partir. Bon, ben, bonne journée, Todd. Lulu, je suis un peu hors contexte. J'ai une question sur les trous noirs. Quelle est leur fonction selon toi? Si on commence à regarder des phénomènes naturels comme ayant une fonction, on commence à anthropomorphiser la nature. Je veux dire, une fonction. Ben, considérer que notre univers n'est pas seul, puis que ça prend des portes pour qu'il y ait un échange entre ces univers-là, si vous voulez. Donc, on peut voir ça comme une porte vers un autre univers, si vous voulez. De la même façon que les étoiles peuvent être considérées comme un trou noir dans un autre plan. Mais même si dans notre plan, ça devient des étoiles, mais c'est des phénomènes électromagnétiques qui ont rapport avec de la physique que je ne suis pas assez calé pour trouver le vocabulaire pour vous l'expliquer. Mais bien franchement, on fait quoi avec ça ici, là, sur Terre, maintenant? Moi, je n'ai pas de fascination pour les phénomènes astronomiques. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Je suis un peu OK. Donc, considérer les étoiles comme des trous blancs, puis les trous noirs comme des étoiles d'une autre sphère qui ressemble à la nôtre, qui est semblable, tout en étant dissociée. Donc, bonjour, Dax. Donc, non, c'est ça. Les Georgia Guidestones, bon, ben franchement, je trouve ça sans intérêt. Une horreur de moins. Je veux dire, quand on le regarde, c'était un monument astronomique qui n'est pas sans rappeler certaines choses qui viennent, entre autres, d'Europe, mais pas nécessairement du continent. Juste regarder l'Angleterre puis les sites néolithiques anglais. C'est un peu ça, les Georgia Guidestones. C'est-à-dire, prenez anciennement, je pense que c'était un historien romain qui avait visité des druides dans les Gaules, entre autres, puis disait que c'est des pythagoriciens. Vous avez déjà une clé de c'est quoi? Je pense qu'ils étaient tannés, c'était trop gros, dans le sens que ça paraissait trop, là. Puis ils ont eu une décision de défaire ça. Ils devaient être fatigués aussi de tout le vandalisme. C'est étrange, hein? Ça devait survivre à l'humanité telle qu'on la connaît. L'humanité telle qu'on la connaît va survivre à ces choses-là. C'est dans sa nature. Je suis très intéressé par les phénomènes astronomiques. J'ai même un trou noir tatoué sur l'avant-bras. Une drôle de fascination, moi. L'avant-bras, vous avez ça à quelle hauteur? Pas à la hauteur du coude, toujours. Vous avez déjà remarqué sur les vieilles iconographies du Moyen-Âge, de la Renaissance, souvent le diable, qui est une synthétisation de force non conscientisée de la nature, va souvent avoir des yeux au niveau des articulations, des genoux, des coudes. On pourrait. Bonjour, Denis Solange. Donc, les Georges Gaët, je pense que c'était un peu trop.